Bruce Fair, de David Gregg, traduit de l'anglais par Dominique Ollier. Imaginez votre pire cauchemar. Imaginez le pire du pire qui puisse vous arriver. Imaginez votre pire fléau. Quoi ? Imaginez Christine. Qu'est-ce que tu regardes ? 16 ans. Blanche comme la neige. Une robe comme une balafre rouge autour de la taille. Cheveux noirs et une tête pleine de serpents. Voilà Christine qui déboule à toute allure de l'obscurité, non pas sur les cavales noires de la mort, mais à bord du bus X-52 qui va de Holbeath à South Queens Ferry. Un éclair de méchanceté pure descendu sur terre pour vous désintégrer. Son front blanc qui cogne contre la vitre avec les vibrations du bus. Elle se regarde, les yeux dans les yeux. Bonjour Christine. Va te faire foutre. Imaginez que vous rencontrez Christine quelque part sur un parking. Imaginez qu'il fait froid. Imaginez qu'elle avance vers vous. Vous avez la gorge sèche, l'estomac serré, les genoux qui se dérobent. Imaginez ça. Qu'est-ce que vous lui diriez ? Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu crois ? Je sais pas. Et toi, qu'est-ce que tu fais là ? Tu as l'air en colère, Christine. Ouais. Est-ce que tu serais prête à exprimer ta colère sous la forme d'une demande ? Je veux te tuer ! Ce n'est pas une demande raisonnable, Christine. Was becoming sterile and felt that it was losing its immediacy and its interest for the population. How times have changed. Yes. Vous avez l'impression que votre vie est finie. Vous êtes englué dans une relation sans amour. Vous avez l'impression que votre partenaire est plus un ami qu'un amant. Vous avez l'impression que votre vie est finie. Depuis combien de temps avez-vous... Vous êtes englué dans une relation sans amour. Vous avez l'impression que votre partenaire est plus un ami qu'un amant. Depuis combien de temps n'avez-vous pas senti le feu du désir s'allumer en vous? Vous vous rappelez cette sensation quand vous découvrez que quelqu'un s'intéresse à vous? Vous vous rappelez cette impression d'avoir des papillons dans le ventre? Vous vous rappelez cette douleur particulière de désirer et d'être désiré? Vous vous demandez parfois si vous connaîtrez encore ces sensations un jour. Oui. Vous avez déjà envisagé d'avoir une liaison? Oui. Vous seriez étonné de savoir le nombre de personnes qui sont dans votre cas. Il y a actuellement 468 hommes qui cherchent à rencontrer des femmes, la quarantaine. Comme vous. Inscrivez-vous dès maintenant. Inscrivez-vous dès maintenant. Renseignez votre profil. Renseignez votre profil, ça ne prend que quelques minutes. Chattez. Envoyez un baiser virtuel. Bientôt, vous allez rencontrer des partenaires et découvrir tout un monde nouveau que vous ne soupçonniez pas. Bienvenue. Et Hélène. Apparemment, il n'y a pas de macaron sur l'île de Mai cette année. Hélène ? Ils l'ont dit à la radio. Pas de macaron. Pas de macaron sur l'île de Mai. Hélène ? Hélène ? D'habitude, il y a des macareux sur l'île de Mai ? Oui. Ah. D'habitude, il y en a des centaines. Mais cette année, il n'y en a plus. Voilà comment ça finit. Voilà comment les choses se passent. Pas un gros truc atroce, mais une lente accumulation de petites choses qui s'entassent et qui s'entassent jusqu'à ce que ça finisse par être trop lourd à porter et que tout s'écroule. C'est chaque jour un tout petit peu pire que la veille, jusqu'à ce qu'une catastrophe qui aurait semblé parfaitement inimaginable il y a 5 ans paraissent tout à coup très probables, et même normales aujourd'hui. Avant, c'était normal de voir des oiseaux dans un champ. Maintenant, on ne voit pratiquement plus jamais d'oiseaux dans les champs. Notre fille n'a jamais vu un oiseau dans un champ. Ouragan, raz-de-marée, guerre, maladie, dette, des enfants qui se poignardent. Twitter. La pensée humaine a reçu le pouvoir de se mettre en mots et d'être diffusée sans référence à l'autorité d'un quelconque esprit individuel. Toutes sortes de pensées peuvent s'aboyer, comme ça, à travers le monde, dès qu'elles surgissent, comme une sorte de syndrome de Tourette, culturel. Merde ! On n'écoute pas, on ne réfléchit pas, on se sent submergé, Yann. Quand tu dis « on », je crois que tu veux dire « je ». Je sais. Je sais, t'as raison. Désolé. Ça va. Mais il faut bien que ça arrive un jour. Un jour ou l'autre, il faut qu'il y ait une fin. Si c'était maintenant. Il faut que t'arrêtes d'écouter la radio, Yann. Il faut que tu ouvres les rideaux, il faut que tu sortes du lit. Je sais. Yann. Me touche pas. Je suis juste... Je peux pas, je suis désolé. Viens, on va se promener. L'herbe dans le champ est recouverte de givre. Viens, on va se promener dans le champ. Bientôt, ils vont construire dessus. On va se promener dans le champ avant qu'ils commencent à creuser. Peut-être qu'on verra un oiseau. Allez, s'il te plaît. Demain, je te promets. Noël est un bon moment pour avoir une liaison. Noël est un bon moment pour avoir une liaison. Les différentes fêtes de Noël fournissent un excellent prétexte pour sortir le soir et rentrer tard. Peut-être que vous auriez dû dormir chez une amie parce que vous ne vouliez pas boire et conduire. Ou bien la soirée se terminera peut-être trop tard pour que vous puissiez rentrer chez vous. N'oubliez pas, si vous prenez une fête de Noël comme alibi, il est conseillé d'y passer vraiment pendant un petit moment avant d'aller ailleurs. Portez une robe ou une cravate marquante. Dites bonjour aux gens, comme ça, si jamais on leur demande, les collègues confirmeront que vous étiez bien là. Quand on a une liaison, il est toujours bon de mentir le moins possible. Malgré tout ce qu'on a pu écrire sur les effets bénéfiques de l'infidélité pour le couple, n'oubliez pas qu'une liaison peut aussi être destructrice pour une relation et qu'elle peut être émotionnellement dommageable pour d'autres personnes. Veillez à vivre votre liaison de manière responsable. Hélène. Imaginez un garçon, 22 ans, jean et chemise rose, les yeux noirs, maigre et bronzé, avec un visage de fille. Imaginez Anthony. Anthony aime courir. Anthony n'aime pas la cigarette. Anthony cherche du fun. Il y a actuellement 12 femmes qui cherchent du fun près de Fife. Rati 1964, fouette ma fesse, sambuka brûlante, info dingo 2, pète de fête 67, un albel pour rire. Ah, pour rire. Princesse 21, Loulou s'ennuie et Hélène. Hélène. Partout, je ne vois que des gens malheureux. Mon mari est malheureux, ma fille est malheureuse. Partout, je ne vois que des gens malheureux. Mes collègues sont malheureux. Mon mari est malheureux, ma fille est malheureuse. Mes collègues sont malheureux. Quelquefois, j'aimerais échanger un sourire, une caresse, un baiser avec quelqu'un d'heureux. S'il te plaît, ne m'envoie pas une photo de ton pénis. S'il te plaît, dis-moi seulement ce qui te rend heureux. Bise. Hélène. Salut, Hélène. Courir, ça me rend heureux. Anthony. Envoyé. Pour commencer, Christine, j'aimerais parler de ce que nous voulons. Ben, quelquefois, quand on nous demande ce qu'on veut, on répond « je sais pas ». C'est comme si on voulait que les gens devinent ce qu'on veut. Ou peut-être même qu'on veut que quelqu'un nous dise ce qu'on veut. Mm-hmm. Parce qu'on sait pas. Mais moi, j'ai découvert que tout au fond, derrière chaque « je veux », il y a généralement un « j'ai besoin de ». Je veux une nouvelle robe. Égal, j'ai besoin de me sentir belle. Je veux une relation sexuelle. Égal, j'ai besoin d'une intimité amoureuse. Mmh. Parfois, ça peut être un bon exercice de noter quelques-uns de vos « je veux » et puis de les interroger pour essayer de trouver quel est le besoin non satisfait qui se cache derrière. Mmh. Seriez-vous prête à prendre un moment pour noter quelques « je veux » et qu'on les interroge ensemble? Vous seriez prête à faire ça? Vous seriez prête à faire ça, Christine? Il est beau. Je veux être ceinture noire de taekwondo. Je veux que quelqu'un me remarque. Je veux faire carrière dans les médias, ou dans le droit. Ou peut-être dans le droit des médias. Je veux aller à Bali. Je veux aller à un bal. Je veux aller à un bal avec une robe de bal avec laquelle j'ai l'air parfaite. Je veux être photographiée. Je veux être prise dans une atrocité, mais survivre. Et pouvoir être le premier témoin direct à en faire le récit au JT. Et quand les caméras seront sur moi, tout de suite après l'événement, je veux être couverte de cendres et salie de larmes. Et je veux dire quelque chose de surprenant. Je veux dire quelque chose d'intéressant, de profond et de nouveau. Je veux de l'argent. Je veux être célèbre. Je veux de l'amour. Je veux deux enfants. Je veux un garçon et une fille. Je veux un mari. Je veux des amis intéressants. Je veux rester toute la journée assise sur mon lit en chaussettes à écrire des chansons. Je veux écrire une chanson aussi bonne que Umbrella de Rihanna. Je veux tomber amoureuse. Je veux faire éclater les frontières de l'art. Je veux écrire de la poésie et de la musique. Je veux acheter un hélicoptère et m'exploser dans le ciel au-dessus du Fife. Et je veux que ce qui reste de moi retombe tout doucement sur le parking de Tesco et recouvre le visage des clients d'une imperceptible pellicule de cendres scintillantes. Ok. Ok. Si on... Je veux que les choses redeviennent comme avant. Je veux revenir à avant. Je veux avant. J'aime toutes les formes de course. Mais ce que je préfère, c'est la course de fond. Je m'entraîne tous les jours. Récemment, j'ai fait un temps de moins de 3 heures au marathon d'Édimbourg. Ce n'est pas mon record personnel, mais c'est pas loin de mon record personnel. Je m'entraîne à peu près tous les jours. Je cours pour aller au boulot. Je cours pour rentrer du boulot. Quelquefois, il y a de la bruine. Quand je cours dans le brouillard, j'ai l'impression d'être complètement seul. Quand je cours dans le brouillard, j'ai l'impression d'être complètement seul. J'aime bien cette sensation. J'aime aussi gagner une course. Tu es marié? Non. Qu'est-ce que tu fais là? Comment ça? C'est un site pour les gens mariés qui cherchent des relations extra-conjugales. Ah. Je vois. Je suis marié avec la course à pied. Pourquoi tu m'as choisi? J'aimais bien ton sourire. Smile et sourire. Envoie-moi une autre photo. Voilà mon numéro. Envoie-moi un texto. Parlez-moi d'avant. Avant, la maison était neuve. La voiture était neuve. Il y avait le Tesco. Avant, le Tesco, c'était un palais. Le Tesco était ouvert 24 heures sur 24. J'avais 100 livres par mois d'argent de poche. Il y avait de la neige. Les gens faisaient de la luge avec des luges neuves achetées à Tesco. On allait au cinéma en voiture. J'étais assise à l'arrière. Papa et maman parlaient à voix basse. Ils mettaient la musique pour que j'entende pas ce qu'ils disaient. Ils mettaient Umbrella de Rihanna. Le moteur était silencieux, on avait une belle voiture. Je posais ma tête contre la vitre. Je me souviens. Je me voyais me regarder. Voilà comment c'était avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tout repris. Ils? Quelqu'un. Qui? Je sais pas. Une personne? La banque. La banque? En fait, ça nous appartenait pas. Quoi? Ça. Ça? Les champs, les oiseaux, les voitures. Tesco. L'argent. La neige, l'amour. En fait, ça nous appartenait pas. Alors ils ont tout repris. On dirait que... que vous pleurez des choses perdues, Christine. Oui. Vous avez besoin de pleurer cette perte. Pleurer ces choses perdues et votre besoin non satisfait. Anthony, t'es là? Salut, Hélène. T'es où? Dans mon bain. Sexy. Je t'imaginais. En train de faire quoi? Courir. Je suis en train de courir. Dans les bois? Je suis dans les bois. Nu ? Je suis nu. J'ai envie de toi. Va falloir m'attraper. Je t'attraperai. Mes jambes courent vite. Mon imagination court encore plus vite. Tu m'as attrapé. Anthony ? Oui ? Tu es vraiment nu ? Oui. Je te crois pas. Réponse. Pense à toi. Envoyé. Maintenant que nous avons dégagé un « j'ai besoin », voyons si nous pouvons l'exprimer sous la forme d'une demande raisonnable. Une demande raisonnable, c'est une demande qui est concrète, précise, et à laquelle vous êtes prête à recevoir une réponse négative. Je veux un rapport sexuel, égal, j'ai besoin de sécurité affective. Donc, une demande raisonnable pourrait être « est-ce que tu serais d'accord pour me faire une caresse rassurante pendant que je fais la vaisselle ?» Donc, est-ce que tu serais d'accord pour... Est-ce que tu serais d'accord pour... Rendez-moi mes trucs ! On ne peut pas matériellement remonter dans le temps pour récupérer ces choses que vous avez perdues. Alors, essayons peut-être de nous concentrer sur aujourd'hui. Réfléchissons à aujourd'hui et la façon dont vous pleurez un avenir que vous aviez imaginé. Mais aujourd'hui, vous devez imaginer un avenir différent et ça vous rend triste. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous aider ? Je veux leur faire du mal ! Quelque chose de concret. Vengeance ! Un bon endroit pour un premier rendez-vous, c'est le Broad's Fair de South Queens Ferry, juste à côté. Un bon endroit pour un premier rendez-vous, c'est le Brewer's Fair de South Queens Ferry, juste à côté de la 90. Les Brewer's Fair sont toujours faciles d'accès avec un grand parking. En plus, au cas où le rendez-vous se passe bien, il y a généralement un hôtel raisonnable juste à côté où on peut se retirer pour s'amuser de manière plus intime. Quoi de mieux pour finir la soirée ? Hélène. Hélène ? Il n'y a plus de poisson. Mais si, il y a du poisson. Il ne reste plus de poisson. Il y a du poisson dans le congélo. Dans la mer. Dans la mer, il n'y a plus de poisson. Le poisson qui est dans le congélo, c'est du poisson antarctique. En gros, c'est un nom inventé pour une espèce qui vit sur les fonds marins antarctiques et qui n'avait jamais eu de nom, parce que personne dans l'histoire de l'humanité n'avait jamais eu besoin d'essayer d'en attraper. On a vidé la mer de ces poissons, Hélène. Yann ? J'ai vidé la mer de ces poissons. Je sors. Ah ? La fête de Noël ? Quelle fête de Noël ? Je te l'ai dit. J'ai dû oublier. Je rentrerai sans doute tard. Peut-être même que je resterai dormir en ville, si jamais je bois un peu, tu sais. Ok. Ça va aller ? Oui, ça va aller. J'ai mon ordinateur, j'ai la radio, ça va aller. Bon. Ça vous dérange si je m'assois là ? J'attends quelqu'un. Ok, donc... Enfin, c'est juste... Je m'en vais ? Vous voulez que je m'en aille ? Non. Ok. C'est bon. La personne que j'attends, elle n'est pas là, donc... Vous inquiétez pas. Dès que votre ami arrive, je m'en vais. Ok. C'est juste qu'il n'y a pas de place. Non. Il y a du monde. À Noël. Noël. Les gens aiment bien faire du karaoké à Noël. Ouais. C'est pas le genre d'endroit où je vais d'habitude. Je suis seulement là parce que j'ai une chambre ici. Je suis à l'hôtel. Rien d'autre à faire. Nulle part où aller. Télévision. Donc je me suis dit que j'allais venir ici voir s'il se passe quelque chose. Sauf que c'est mort. Tout le monde est mort. Jamais vu une salle pleine de gens aussi gris, putain. On sent carrément l'odeur qui monte de la moquette. Tu t'appelles comment ? Anthony. Anthony. Toi au moins t'es vivant, Anthony. Je peux pas dire le contraire. Tu as de la vie. Oui, Christine, enchantée. Enchantée. Qu'est-ce qui va pas ? T'as la bougeotte. T'as les chocottes, Anthony ? Tout va bien. T'as l'air tendu. Remarque, c'est normal que tu sois tendu. Ah bon ? T'as un rencard ? Comment tu sais que j'ai un rencard ? À aftershave. Oh. Calme-toi, Anthony. T'as l'air d'avoir envie de t'enfuir en courant. Désolé. C'est un blind date ? Pas exactement. Pas exactement. Je l'ai vu en photo. Ah, c'est un truc sur Internet. Pas étonnant que tu sois tendu. Sans doute une photo bidon. Elle aura sans doute l'air d'un troll. Un vieux troll avec une tête de sorcière. Oh, t'es gênée. Elle a vraiment l'air d'un troll ? Non. Si. Non. Montre-moi la photo. Non. Allez ! Oh, Anthony. Quoi ? Fais gaffe. Pourquoi ? Elle va te bouffer tout cru, Anthony. Crois-moi, elle est vieille. Elle va te bouffer, elle va te sucer les os. Ça me paraît peu probable. Crois-moi, je sais. Qu'est-ce que tu fais avec des sorcières de toute façon ? T'as l'air chaud. Tu devrais être avec une jeune. Je sais pas parler aux filles. Tu me parles ? C'est toi qui me parles. T'es bronzé, Anthony. Tu fais du surf ? Non. Moi, ma peau est pratiquement translucide. On voit carrément le sang couler dans mes veines. Je suis comme une page blanche, dit ma mère. On dirait que tu fais du surf. Je cours. Tu cours ? Tu cours où ? Dans les collines. Les collines en Écosse ? Oui. Oh putain, c'est incroyable. Ah bon ? Oui, parce que moi aussi je cours. Come on, boy. Administrateur. Administrateur de bureau. Recherche administrateur de bureau. Voilà. Edimbourg, d'abord, personne. Recherche emploi administrateur Dunfermline. Pas de réponse. Recherche emploi Dunfermline. Emploi Dunfermline. Dresseur de lion. Dresseur de lion Dunfermline. Comment devenir dresseur de lion. Fesses. Photo de fesses de femme. Photo de fesses de femme gratuite. Photo de fesses gratuite. Pourquoi je suis tellement nul ? Pourquoi Ian Morrison est-il tellement nul ? Ian Morrison est un connard. À quoi ça sert ? À quoi ça sert, putain ? À quoi ça sert si on va tous mourir ? On va tous mourir. Est-ce qu'on va tous mourir ? Est-ce que c'est la fin du monde ? 10 résultats sur environ 223 000 pour est-ce que c'est la fin du monde ? Est-ce que c'est la fin du monde ? Wikipédia. Ça allait super jusqu'au semi et puis je me suis fait avoir par la chaleur. J'ai ralenti. L'année prochaine, je crois que je ferai l'impasse. C'est trop tôt dans la saison. Ouais. Tu veux une autre gazeuse ? Ouais. C'est incroyable. D'habitude, quand je suis avec une fille, je sais pas quoi dire. Je reste là, elle me regarde. Les femmes plus âgées, elles sont douées pour parler. Les filles, en général, elles te regardent et c'est tout. Mais pas moi. Non. T'es différente. Tu veux m'embrasser ? Quoi ? Je suis pas... Oui ? Un conseil, Anthony. Quand t'es avec une fille et que tu veux l'embrasser, prends les choses en main. Regarde-la dans les yeux. Laisse-la parler. Ignore ce qu'elle est en train de te dire. Écoute le bruit que font les mots. Mais pas les mots eux-mêmes. Écoute-la parler. Et ensuite, très lentement, tu tends le bras et... Je lui prends la main. Le poignet. Tu prends son poignet dans ta main. Tu poses la main sur son poignet en serrant très légèrement. Juste un peu de poigne. Comme ça. T'es bronzé. Tu fais du surf. Tu sais quoi faire. Je fais pas de surf. Non. Non. Oublie cet Anthony-là. Oublie ce que tu ne sais pas. T'es un homme. Tu sais tout. Elle veut que tu saches tout. Prends son poignet avec juste assez de poigne pour montrer que tu as les choses en main. Et ensuite... Embrasse-la. Attire son visage vers toi. Quoi ? Attire son visage vers toi. Vas-y. Comme ça ? Oui. Tu attires son visage vers toi et tu lui dis... J'ai envie de toi. Non. Tu lui dis... Tu as envie de moi. Tu as envie de moi. C'est ça. Et là... Embrasse-la. Non. Regarde-la dans les yeux et dis... C'est pas vrai que tu cours. Hein ? Non. T'as menti. Les yeux. Poigne. Regarde. Je sais pas si je dois... Fais-moi confiance, Anthony. Il y a eu une détonation. Il y a eu de la fumée. Et c'est là que j'ai compris que tout était fini. J'avais dit à Yann de réparer la bagnole. Je lui avais dit que la bagnole était cassée parce que j'entendais un bruit quand j'allais au boulot. Ça coûte tellement cher quand on l'amène au garage et Yann, il s'y connaît en voiture. Il sait quoi faire avec une voiture, alors il aurait dû la réparer, mais il peut pas. Pas tant qu'il refuse de sortir de la maison. Alors, j'arrive au pont sur le Force et je suis tendue, j'ai le cœur qui cogne, je me sens ridicule mais aussi excitée. Et puis, il y a une détonation et un bruit sourd et puis de la fumée qui sort du moteur. Alors, je me gare sur la bretelle et il neige et la voiture est complètement morte, elle est foutue et la neige s'accumule sur la route. Et je me dis que si j'appelle un dépanneur, je peux attendre toute la nuit, que ça va nous coûter la peau du cul, que je vais passer la nuit ici à attendre à cause de la neige. Et tout à coup, ça me fait comme si c'était la fin du monde. Parce que je veux faire ce truc. J'ai préparé ce truc. Je veux pas rester plantée dans la neige à côté de l'autoroute à regarder s'échapper les possibles. Alors, je regarde les lumières qui font un grand arc de cercle au-dessus de l'eau et je décide d'y aller à pied. Après tout, merde, c'est juste de l'autre côté du pont. Et donc j'y vais. Je traverse le pont sur le Force à pied dans le noir avec la neige qui me tombe dessus et j'arrive pas tout à fait à croire que le monde dans lequel je suis est le vrai monde et je pense... Je vais faire ça. Je vais vraiment faire ça. Et arrivé à mi-chemin, j'ai la sensation très précise de ce que ça ferait de le prendre dans mes bras, d'être dans ses bras, de l'embrasser et qu'il me désire et de sentir son désir. Et j'ai l'impression que je pourrais carrément tomber par terre tellement c'est fort et je pense, Hélène, t'es qu'une idiote. Et ensuite je pense, non, je suis pas une idiote, c'est pas idiot de désirer. C'est pas idiot de vouloir être désiré, c'est pas idiot, c'est humain. Et je continue à marcher au-dessus de l'eau avec l'impression d'être à la fin d'un merveilleux film avec les chœurs qui chantent et le générique qui défile. Et puis, sur ma droite, un peu en hauteur, je vois l'enseigne Brewer's Fair. Et je remarque qu'il manque une apostrophe. Et soudain, je me sens très, très coupable. Et je me demande si je me sens coupable à cause de Yann et de mon mensonge ou si je me sens coupable parce que brusquement, je sens viscéralement à quel point c'est triste. Moi qui traverse le pont sur le Force à pied avec ma petite robe noire pour aller rencontrer un garçon que j'ai trouvé sur internet, de faire ça à Yann. De faire ça à Yann alors qu'il est tellement déprimé. De le faire alors qu'il est tellement déprimé qu'il peut même pas sortir de la chambre. De faire ça, de le faire dans un endroit tellement minable qu'ils sont même pas foutus d'écrire leur nom correctement. J'en suis vraiment arrivée là. Comment je peux tomber si bas? Et puis je me dis, mais peut-être c'est une chaîne qui appartient à un certain Monsieur Brewers ou qui fait référence à un personnage imaginaire qui s'appelle Monsieur Brewers, auquel cas il n'y a pas besoin de mettre une apostrophe après Brewers, et du coup, c'est juste un endroit où se rencontrer, c'est un endroit neutre, et tout à coup, j'ai tellement envie de lui, et tout à coup, je manque de mourir parce que je fais pas attention et qu'un camion fait une embardée pour m'éviter. Putain d'abruti de connasse. Putain d'abruti de connasse. Je traverse la bretelle d'accès, le camion fait une embardée, klaxonne, et un frisson glacé d'angoisse me coule dessus comme de l'eau froide et je suis brusquement trempée de sueur et de frayeur. T'aurais pu mourir, Hélène. J'aurais pu mourir sur une bretelle d'autoroute avec ma petite robe noire à des kilomètres de la moindre fête de Noël et tout aurait été découvert et j'aurais été démasquée. Mais maintenant, dans le parking de l'hôtel, je suis entourée de nuit. Et la neige fait un beau tapis blanc sur le tarmac et mes traces de pas dessus et l'étrangeté du lieu et je me rends compte qu'il est là. Ce garçon. Le garçon à qui j'ai donné rendez-vous sur internet et tout à coup j'ai la nausée alors je me penche au-dessus de la bordure de gazon vers le buisson et je vomis. Et après je reste un moment assise et je sais pas quoi faire. Alors je prends de la neige propre, je la mets dans ma bouche pour enlever le goût et avec la fraîcheur de la neige, imaginez comme ce serait léger de le caresser et comme ce serait léger de le tenir dans mes bras et d'être dans ses bras et de savoir qu'il me désire et de sentir qu'il me désire finalement. Je sais que je veux pas mourir sans avoir une fois, juste une fois, sans avoir une fois senti ce que ça fait de me trouver avec un garçon dans une chambre d'hôtel et d'enlever ma robe et voilà la porte du Brewer's Fair sans apostrophe. Et voilà le restaurant et voilà les gens qui chantent au karaoké. Et voilà Anthony, et voilà une fille qui l'embrasse avec une jupe minuscule, balafre rouge autour de la taille, et tout le reste est blanc et jeune comme le lait, et elle me regarde et elle sourit. Christine. Maman. Et Anthony se retourne. Et Anthony me voit. Et Anthony part en courant. Quoi ? Qu'est-ce que tu regardes ? Qu'est-ce que tu fais là, Christine ? Qu'est-ce que tu crois ? Je sais pas. Et toi, qu'est-ce que tu fais là ? Je suis venue boire un verre. Me mens pas. Je suis venue le voir. Qui ? Anthony. Me mens pas. Je mens pas. T'es venue baiser avec lui ? Non. Non ? J'aurais jamais fait ça. C'était un truc imaginaire. C'est pas ce que t'as écrit. T'as lu ce que j'ai écrit ? Oui. J'avais envie de lui. Pourquoi ? Tu peux pas comprendre. Mais pourquoi ? Je sais pas. Pourquoi, papa, papa ? Christine. Pourquoi ? Il avait l'air heureux. Il est heureux. Tant que tu lui parles de course à pied. Putain, mais qu'il est chiant ! Tu aurais dû rester ? Il avait pas envie de moi, il avait envie de toi. Vous étiez en train de vous embrasser. Je l'ai forcé. Quoi ? C'est moi qui l'embrassais, pas lui. Hein ? Il est pas heureux. Il te veut. Il a un besoin non satisfait de toi. Je suis désolée. Encore un truc que t'as pris. T'as gagné. Tu gagnes toujours. Tu es en colère. Est-ce que tu serais prête à exprimer ta colère sous la forme d'une demande ? Je veux te tuer ! Ce n'est pas une demande raisonnable, Christine. Imaginez un parking couvert de neige. Imaginez que vous êtes assise sur un muret avec Christine. Blanche comme le lait. Jeune. Une robe comme une balafre rouge autour de la taille. Et imaginez qu'elle pleure. Et imaginez que vous la tenez dans vos bras. Et imaginez qu'elle dit... Je veux juste que les choses redeviennent comme avant. Et imaginez que vous dites... Je sais. Je sais. Je sais. Dans toutes ces civilisations, l'évolution de la population suit une courbe de Gauss, ou courbe en cloche. Au début de la civilisation, la population est faible, elle est élevée au milieu, et de nouveau faible à la fin. Si nous pouvions nous placer à la fin des temps, et regarder l'histoire de l'humanité dans sa totalité, nous verrions que 70% de tous les êtres humains ayant jamais vécu ont vécu pendant une période du milieu. Ce qu'on pourrait appeler l'âge d'or de l'existence humaine. Bien sûr, nous ne pouvons pas nous placer à la fin de l'histoire de l'humanité, mais nous pouvons quand même en déduire la probabilité que, si nous sommes vivants, il y a 70% de chances pour que nous vivions pendant la période du milieu de l'histoire de l'humanité. Ce qui signifie que, si nous sommes vivants, c'est que la fin du monde est sans doute pas pour tout de suite. Tu sais des choses ? Wikipédia. Tu sais réparer une voiture ? J'aurais dû le faire avant. Je savais pas si t'allais venir ou si j'allais devoir appeler un garagiste. Je pouvais pas te laisser. Je sais, mais... Il y a des mauvais jours et il y a des bons jours. Qu'est-ce qui a fait que c'était un bon jour ? La neige. Le monde a toujours l'air tout neuf quand la neige est fraîche. Où tu l'as trouvée ? Elle a appelé, elle était perdue, je suis allée la chercher. On était en train de rentrer, c'est là qu'on est tombé en panne. Elle va bien ? Elle va bien, ça va. Elle dort. Regarde-la. Elle a pleuré ? Oui. Ça a été tellement merdique ces temps-ci. C'est vrai. C'est vrai, mais on est vivant. Hélène, n'est-ce pas ? On est vivant. On est vivant. On est vivant et le monde a l'air tout neuf. Ce sont nos bons jours, notre âge d'or. C'était Bruce Fair de David Gregg, traduit de l'anglais par Dominique Ollier. Avec Émilie Chertier, Grégoire Isvarine, Didier Mérigou, Jérôme Quintard, Tiffaine Rabot-Fournier et la voix de Claudine Charère. Musique originale, Sébastien Quincé. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage, Manon Houssin, Éric Boisset. Assistante à la réalisation, Alice Cachaner. Réalisation, Baptiste Guiton. Remerciements à Nadège Rabot.